abîme. Chapeau ma fille, pour les miens, pour ceux qui me suivent. C'est le double album, nouvelle saison, c'est la suite. Tu m'as relevé, tu m'as dit malice pour la cuite. T'es mon refrain quand je dors dehors ou j'ai la suite. Des fois je bouge en solo, je me cale à la mer, ouais ça fait du bien. Des fois j'ai tarpin de soucis, j'en parle à ma mère, ouais ça fait du bien. J'écris des couplets de fou, je parle de la vie des fois quand je fais rien. Je prie, je demande à Dieu tout le temps, mon frérot, ouais ça fait du bien. Des fois je bouge en solo, je me cale à la mer, ouais ça fait du bien. Des fois j'ai tarpin de soucis, j'en parle à ma mère, ouais ça fait du bien. J'écris des couplets de fou, je parle de la vie des fois quand je fais rien. Je prie, je demande à Dieu tout le temps, mon frérot, ouais ça fait du bien. Solo la cause, là j'en fais un dans la rue. J'en ai bu 15, là je sors de garde à vue. Je vais prendre un pack, tu bois quoi, Fanta citron. Maintenant c'est chaud, tu prends 2 ans pour un litron. Je me verrai bien à l'étranger en 6 litres 3. Je viens du quartier, on connaît bien la haisse, le froid. Il fait sa folle, il baisse les yeux quand tu le croises. Tu connais rien, tu me parles de quoi, tu racontes quoi. On prend la veille, on va se je bouge en solo, je me cale à la mer, ouais ça fait du bien. Des fois j'ai tarpin de soucis, j'en parle à ma mère, ouais ça fait du bien. J'écris des couplets de fou, je parle de la vie des fois quand je fais rien. Je prie, je demande à Dieu tout le temps, mon frérot, ouais ça fait du bien. Des fois je bouge en solo, je me cale à la mer, ouais ça fait du bien. Des fois j'ai tarpin de soucis, j'en parle à ma mère, ouais ça fait du bien.